والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا اللقاء فنحمده جل وعلا ونسأله التوفيق والسداد كما نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة وبعد نواصل قراءتنا بحول الله جل وعلا في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ donc les frères on va continuer inshallah sur l'explication de l'introduction d'Ibn Zayd d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani رحمه الله تعالى avant qu'on commence inshallah on remercie la personne inshallah qui nous a fait un don des livres de la Muqaddima d'Ibn Abi Zayd et donc on la remercie inshallah et qu'Allah mette cela dans ses registres de bonne action le jour où cette personne aura besoin. Allah yajal hadha fi mizan hasanatiha yawm al-qiyamah. Donc ceux qui veulent la risala inshallah ben vous pouvez vous servez vous inshallah et qu'Allah récompense cette personne inshallah pour les livres dont elle a fait don. Donc on va commencer, Inch'Allah. Donc hier, on avait lu, on était toujours sur la présentation du livre de l'auteur lui-même, hein, d'Ibn Abi Zayd, et on avait dit que du fait que c'est son muallim, son shir, qui lui a demandé de rédiger cette risala, cette lettre, ce livre, lorsque son cheikh lui a demandé de rédiger ce livre, donc ensuite, lui a répondu favorablement à la demande de son cheikh. Donc on avait dit, comme on a dit dans les cours précédents, que son cheikh lui avait demandé de rédiger ce livre pour qu'il puisse l'enseigner à ses élèves. Du fait que lui, c'était le cheikh du Coran, il enseignait à ses élèves le Coran. Et il voulait leur enseigner en même temps la compréhension et le fiqh. Et pour cela, il a demandé à son élève à l'époque, qui était Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il lui a demandé de rédiger justement un livre qu'il pourra ensuite enseigner donc à ses élèves. Et on a dit donc dans ce livre, Ibn Abi Zayd, il va parler des actions du cœur comme il va parler des actions des membres. Les actions du cœur qui seront liées à la croyance, aux convictions du cœur. Ensuite, il parlera des actions des membres qui sont liées aux adorations, différentes adorations. Pour cela, ensuite, il parlera, après qu'il va parler de la croyance, il parlera du domaine du culte et de l'adoration, c'est-à-dire du fiqh, de la jurisprudence, selon le madhab de l'imam Malik, rahimahullah. Comme on a mentionné cela, on l'a expliqué, explicité dans les cours précédents. Donc avant qu'il commence sa muqaddima, pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a le livre d'Ibn Abi Zayd, Risala, qu'on appelle Risala, et dans cette Risala, il a fait une introduction, il a introduit. Et c'est l'introduction qu'on va étudier, parce que son introduction, elle est liée à la croyance de l'aqidah. De l'aqidah. Mais là, ce que nous, on est en train d'expliquer et de lire, c'est une sorte d'introduction à l'introduction. Si vous voulez, ou introduction, un préambule plutôt, au livre, si vous voulez, il explique, il présente son travail à son shir. La méthodologie qu'il a utilisée pour écrire ce livre. Et nous, on est toujours dans l'explication de cela. Donc hier, on avait fini de le lire, cette présentation. on l'a lu, hein, la traduction. Et avant maintenant de rentrer dans l'introduction qui est liée maintenant, c'est le sujet de notre cours, qui est l'introduction du livre de la Risala d'Ibn Abi Zayd, avant que là qu'on commence, et là ça va parler de Aqida, de croyance, là on va prendre quelques points justement que nous expliquait Cheikh Al-Fawzan dans justement son explication de cette présentation. Donc avant de terminer cette présentation, il nous manquait plus, il nous manquait de prendre certaines questions, on va essayer d'avancer, donc on va pas survoler, mais prendre les points importants de ce que mentionne Cheikh Al-Fawzan dans l'explication ici. Moi, je l'appelle comme ça pour qu'on puisse comprendre. Bon, je vous dis pas la muqaddima, parce que sinon on va confondre avec l'introduction qu'à la base on doit étudier. C'est pour cela que moi j'appelle comme ça, c'est ma manière à moi. Hein. Je l'appelle la présentation, si vous voulez. Et donc, Cheikh Al-Fawzan a une très belle explication justement de la présentation. Et on va reprendre des points, ou continuer, Inch'Allah, les points importants qu'il nous faut comprendre ici. Et ensuite, si Allah nous le permet, on commencera, Inch'Allah, la muqaddima. Taïb. Alors, dans cette explication, Cheikh Al-Fawzan nous avait enseigné certains points. On avait parlé des différents signes qu'on appelle l'ayat, des différents signes. Et rappelez-vous, les fois dernières, on avait parlé de l'ayat al-kawniya ou l'ayat al-shara'iyya. L'ayat al-kawniya ou l'ayat al-shara'iyya. Après, nous avons parlé de l'ayat al-kawniya ou l'ayat al-shara'iyya. Donc, on avait parlé des différents signes. Il y a les signes qu'on traduit de manière relative à les signes universels, si vous voulez, qu'on appelle al-kawniya. Al-ayat al-kawniya. Et deuxième catégorie de signes, al-ayat al-shara'iyya, ou bien, comme a dit al-shir, ayat al-wahi. Ayat al-wahi, ce sont les signes de la révélation, les signes textuels, ou al-shara'iyya légiférée, religieuse. Les signes légiférés. Wa minha al-Qur'an. Taïb. Ensuite, il nous avait aussi expliqué les différentes catégories de guidés. On avait parlé de Al-Hidayah, qui est Al-Hidayah. Al-Hidayah, il avait dit Al-Hidayah ala qismayn. Al-Hidayah al-Dilala ou al-Irshad, la guidée d'orientation et d'indication, première forme de guidée. Et il nous avait parlé aussi de la guidée des, ou plutôt de la guidée, ce qu'on appelle Hidayat al-Tawfiq. Hidayat al-Tawfiq, c'est la guidée de réussite. La guidée de réussite, notre traduction relative. Et on avait expliqué, hein. On avait expliqué cela d'une manière détaillée. Et Shira a bien expliqué ces points-là et qui sont importants. C'est très important de faire la distinction entre la guidée d'orientation et d'indication et la deuxième forme de guidée, la guidée de réussite, si on peut la traduire de la sorte. On va rester sur le terme en arabe. Hidayat al-tawfiq. Et pourquoi c'est important? Wa khassatan, et surtout, il est impératif. Par exemple, d'une manière particulière spécifique, pour une personne qui appelle à l'islam, qui oriente les gens vers l'islam, qui veut leur enseigner l'islam, ce qu'on nomme un da'i, et on ne va pas rentrer ensuite dans le détail de cette question, mais un da'i, ça peut se faire sur plusieurs formes, c'est-à-dire sur plusieurs aspects. Ça peut être une personne, par exemple, qui a un achat, par exemple, une motivation, par exemple, dans les traductions de livres. Il peut traduire des livres de grands savants. Hada, ça rentre dans, par exemple, ad-da'wa. Ça rentre dans la da'wa. Ou des personnes qui aident d'une manière indirecte à la da'wa, eux aussi participent ici à la propagation et à la transmission du message. Chacun selon son potentiel et sa capacité. Alors, il y en a, par exemple, qui sont, par exemple, imams, qui prêchent, par exemple, le vendredi. Il y en a qui enseignent le Coran, par exemple, aux enfants. Ça, hadihi, ta'alim al-awlad, aussi bien. Comme on va parler, Cheikh Al-Fawzan va bien détailler cette question. Ça fait partie de ad-da'wa. Il y en a, par exemple, qui s'occupent de centres d'études, d'écoles, et qui sont à la tête, par exemple, à la direction d'écoles pour l'éducation d'une génération à venir, par exemple. Ça, hada min bab ad-da'wa, par exemple. Donc il y a la da'wa aussi avec la parole, il y a la da'wa avec les actions, le bon comportement, etc. Taïb. Enfin, ad-da'i, il doit, par exemple, savoir que lui, il doit connaître le domaine de ce qu'on appelle la première catégorie, hidayat ad-dilala ou l'irshad. Là, al-hidayah, la guidée d'orientation et d'indication. C'est-à-dire, on indique le bon chemin aux gens, on les oriente vers le bon chemin, mais ensuite, la guidée des cœurs, ça ne nous appartient pas. Est-ce que la personne ensuite va suivre, va écouter, parce qu'elle peut entendre, mais pas écouter? Est-ce que cette personne va être convaincue, va être guidée, c'est-à-dire son cœur va être guidé? Ça, c'est entre les mains du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ça n'appartient pas au da'i. Et ça, c'est important qu'on le sache. Les prophètes et les messagers en premier plan, lorsqu'ils appelaient les gens et transmettaient ce message, ils appelaient les gens au bien. Ils savaient que eux, ils orientaient les gens vers le bien, ils indiquaient aux gens le bien, mais ensuite la guidée des cœurs, cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, faut pas se tromper. Il faut pas penser que votre belle éloquence, ou si vous savez vous adresser aux gens, vous savez comment parler aux gens, et ensuite penser, oh là là, j'en ai fait rentrer plein moi dans l'islam. Par mon biais, beaucoup sont rentrés et ont embrassé l'islam, ou par exemple même des musulmans qui étaient déjà musulmans ont suivi mes enseignements, ils ont écouté mes conseils parce que je sais donner le bon conseil, etc. Faites attention. L'amour propre, comme il est dit, je vous le traduis littéralement, l'amour propre brise les dos. Et comme il est dit, aimer l'apparition, ça brise le dos. Hubb al-dhuhur, aimer, hein, apparaître devant les autres, hein, at-tasaddur, s'avancer, hein, devancer les autres. Enfin, hubb al-dhuhur, ça brise les dos. Et ça, faut faire très attention. Alors si par exemple, vous conseillez des gens, vous enseignez à des gens, si ensuite ces gens suivent le bien, vous étiez une cause. Antasabab. T'étais une cause. Tu as orienté, tu as indiqué à certains le bon, le droit chemin, la bienveillance, la bienséance. Mais qui est-ce qui les a guidés? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui, par exemple, a fait da'wa au sein de sa famille, dans son foyer, dans sa demeure, à ses parents, à ses grands-parents, à ses tantes, à ses oncles, à ses, ce qu'on nomme al-aqarib, à ses proches, wahtadaw. Ensuite, ils ont été guidés. Wattaba'u al-huda. Et ils ont suivi le bon chemin. La tadhun. Ne pense pas que c'était entre tes mains. Anta sabab. T'étais une cause. On ne renie pas le fait d'être une cause. Tu étais la cause. Une cause pour leur faire montrer le bon chemin, pour les orienter vers le bon chemin. Mais ensuite, qui est-ce qui les a guidés? Wa sharaha sudurahum lil islam, qui a ouvert leur poitrine pour l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on insiste sur ce fait-là, et lui-même, Cheikh, nous explique bien ce fait-là. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de fawa'id. Lorsqu'on a cette croyance-là, et cette conviction-là, il y a beaucoup de bienfaits. Premièrement, on a le bienfait, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a des proches qui sont guidés, et on les voit, mashallah, suivre ensuite le bon chemin et la lumière, ils sont illuminés par cette science et ce savoir. Alors, lorsqu'on sait que cela provient d'Allah, Yahdi, Mayyasha, il guide qu'il veut, alors on le remercie. Deuxièmement, ça nous préserve aussi parmi les bienfaits. Ça nous préserve de tomber dans l'amour propre ou l'infatuation de sa propre personne. Un amour de sa propre personne qui est démesuré. Ça, c'est dangereux. Pour la personne, ça peut le faire tomber dans la vanité, dans l'orgueil et autres. De savoir aussi parmi les bienfaits, lorsque par exemple, vous avez une personne qui vous est chère, une personne dont vous aimez, et vous voulez la guider pour cette personne, alors la personne qui ne croit qu'en lui, ou dans une expression plus claire, par exemple, une personne qui va s'appuyer sur le sabab, s'appuyer sur la cause, en se disant, que lui est la cause. Donc lui, il va faire l'effort de bien parler, d'être éloquent, de ramener les preuves, d'essayer de convaincre la personne. Il va tout faire. Il va dire, subhanallah, j'y arrive pas. Pourtant, j'ai tout fait. J'ai ramené toutes les preuves. J'ai parlé. Vous avez vu des gens, souvent, beaucoup tombent dans cela. Et on peut tomber dans cela. Mais je comprends pas. Par exemple, vous parlez avec une personne qui n'est pas forcément dans le bon chemin. Même, par exemple, parmi les musulmans, ceux qu'on choisit un chemin qui n'est pas le chemin dont nous a orienté vers lui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous lui ramenez les preuves. Faites attention, tu es peut-être dans un excès dans ta religion. Tu es peut-être tombé dans l'extrémisme. Tu es peut-être tombé dans une hérésie. Tu es peut-être sur le chemin d'un égarement qui peut causer ta perte. Vous lui clarifiez les preuves. Vous lui expliquez. Vous lui rapportez les paroles des savants. Ouais. Testarli bannahu. Lam yatba. Ensuite, tu t'étonnes qu'il ne suit pas. Tu dis, mais subhanallah, je comprends pas, j'ai tout fait. Enham, tu as tout fait, mais toi, tu n'es juste qu'une cause. Celui qui guide, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Eh ben, le bienfait de comprendre cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va nous mener à quoi? Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez qu'en réalité, vous avez la capacité d'orienter et d'indiquer où est la vérité. Donc vous faites la cause, vous avez une personne chère, comme on a dit précédemment, un bien-aimé, une personne que vous aimez, vous voulez pour elle le bien, comme vous l'avez aimé pour vous-même, et bien si vous voulez qu'une personne soit guidée dans le bien, il faut utiliser rifq wal-lin, la souplesse, la douceur, la bienséance. Et on ne dit pas ça pour faire joli. C'est pas des, on n'essaie pas de faire des beaux discours pour faire joli. Ce qu'on veut, nous, c'est l'application. Parce que ces théories-là, sans application, à quoi elles servent? Al-amal, ya ibadallah. C'est ça, c'est l'application. Il faut l'application. Nous, on aime les belles paroles, les paroles douces. Une personne qui nous fait le conseil, si une personne est dure et rude avec nous, trop sévère dans son conseil, on va dire, subhanallah, il me conseille, mais il est trop dur. Et parfois, ça peut nous faire fuir. Et ne pas accepter le conseil, malgré qu'il aurait pu être le conseil bon, mais du fait qu'il ait été fait d'une mauvaise manière, alors parfois ça empêche la personne d'accepter le conseil. Alors ne le faites pas aux autres. Il ne faut pas que la personne fasse cela aux autres. Donc il faut être bon, être souple, etc. Lorsqu'on aime une personne, on va essayer par tous les moyens de lui faire montrer le bon chemin. Mais ce n'est pas entre tes mains. Ensuite, lorsque tu as fait toutes les causes, invoque le Seigneur. Taïb. Une personne, par exemple, qui veut voir ses parents guidés, ses enfants, par exemple, guidés, ses proches parents guidés, ses frères et sœurs, oncles, tantes et oncles, par exemple, ses voisins ou des amis, des gens qui n'ont pas forcément un lien familial avec lui, mais qui, par exemple, c'est des gens qu'il apprécie, qu'il aime, il veut la guider. Et je vais même aller plus loin. On veut même la guider pour nos ennemis, parfois. Parfois, une personne qu'on déteste, on ne l'aime pas. On l'aime pas, mais on lui souhaite le bien. On lui souhaite la guider. Vous voulez sa guider? Bah, il faut se lever. Il faut se lever. Levez-vous. Levez les mains. Invoquez Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est pour qui? C'est celui qui distingue entre eux les deux formes de guider. La guider d'indication et d'orientation et la guider de tawfiq. Celui qui vraiment sait qu'il y a une guidée et n'appartient qu'à Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui ignore cela, eh bien lui, toute sa vie, il ignore que lui en réalité, il n'était qu'une cause. Il n'était qu'une cause. Celui qui donne la réussite et qui ouvre les poitrines, elle l'a dit, yashrah as-sudur lil-islam, wallah, subhanahu wa ta'ala. Combien de gens ont été guidés? Et c'était des choses impensables. Des gens qui désespérés de la guider de certaines personnes. À la fin, on les voit qu'ils sont encore plus droites que ceux qui étaient sur la droiture avant lui. Et qu'espérer sa droiture. Parce que Allah guide qui il veut. Ouais, Kada. On va continuer parce que, cher ici, moi je vais essayer de survoler un peu les points importants qu'a mentionné cher parce qu'il y a de nombreux enseignements dans ce que va mentionner cher Aouna dans son explication. Cher ensuite, cher Fawzan va nous expliquer. Donc moi, en français, je vous l'ai lu. Hein. Hier, je vous ai lu, Inch'Allah, le texte en lui-même, la présentation. Donc là, je prends certains points pour ceux qui ont le livre devant eux de Cheikh Al-Fawzan, certains points importants que mentionne Cheikh Al-Fawzan ici dans l'explication de la présentation. Cheikh dit, il est impératif dans l'apprentissage de la science. C'est impératif pour celui qui va apprendre la science. Et là, le livre, l'auteur va le rédiger pour l'apprentissage de la science. Il dit, il est impératif pour l'apprentissage et l'acquisition, l'obtention du savoir et de la science, d'étudier et d'apprendre Al-Kitab wa Sunnah. Hada huwa. D'apprendre le livre d'Allah et la Sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Faqala la budda min ta'allum Al-Kitab wa Sunnah wa fahmihima ala muradillahi wa rasulih. Donc il faut impérativement étudier le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, mais selon le mourad d'Allah et son messager. Ma ma'na, quel est le sens de « wa fahmihima ala muradillah » selon le mourad. Le mourad, c'est le voulu. Selon ce qu'Allah a voulu et ce que le messager a voulu. Pas selon ce que toi tu veux. Ou selon ce que telle personne veut. Pas selon ta passion, pas selon ta logique à toi, la logique individuelle. Comprendre le livre du Seigneur et la sunna du messager selon ce qu'a voulu Allah et son messager. فَقَالَ الشَّيْخُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يُحْرَمْ مِنَ الْهِدَايَةِ. Et regardez maintenant la relation. Il dit, et celui donc qui va s'écarter, se détourner de l'apprentissage de la science, alors il va se priver de la guider. Vous avez vu ? Précédemment, on a parlé de la guider. Ce qu'on appelle Al-Hidaya. Et bien, si tu veux la guider, déjà pour toi-même, alors qu'est-ce qu'il te faut ? L'apprentissage de la science, du savoir. Donc maintenant, tu veux l'apprentissage du savoir, qu'est-ce que Cheikh dit ? Il te faut donc, pour ce savoir, apprendre Al-Kitab wa Sunnah. D'accord. Apprendre le livre d'Allah et la Sunna. Mais comment le comprendre selon ce qu'a voulu Allah et le messager. Hakada. Ensuite, il dit وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعِلْمَ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْمُعْرِضُ عَنْ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الْهِدَايَةِ. Donc, apprendre cette science comme l'a rapporté le messager d'Allah, et celui qui se détourne de cela, il dit Shir, il sera privé de la guider. Al-i'radu 'an al-haqq wa 'adam al-isra ilay wa 'adam qabulihi wa alladhi yusabbib ad-dalal wa al-inharaf. Il dit ce qui, regardez la très belle parole du cheikh, il dit ce qui cause la dérive et l'égarement, c'est le fait de s'écarter, de se détourner du savoir et du 'ilm. C'est ça. La cause de tout problème, c'est le fait de s'écarter du savoir et du ilm. Regardez aujourd'hui, des jeunes qui sont tombés dans l'exagération et dans l'excès dans leur religion. Parfois, c'est des jeunes qui n'ont aucune connaissance du Coran, de la Sunna, et bien plus encore, encore plus grave, lorsqu'on dit aucune connaissance du Coran et de la Sunna, à forte raison du fait qu'ils n'ont aucune connaissance à la base de la langue arabe. Alors, voyez certains qui débutent dans l'islam, aucune connaissance, maîtrise hein, de la langue arabe, de la linguistique arabe, de l'éloquence de la langue arabe, de la grammaire arabe, de la conjugaison arabe, de l'imla, de sarf, de toutes ces matières liées à la langue arabe, qui sont très importantes pour comprendre la langue arabe. Vous savez, parfois on a atteint un degré de langue arabe, mais après il y a d'autres sciences encore à étudier dans la langue arabe. La science de l'ishtiqaq, des dérivés, la ilm al-balara. Ça, c'est une matière dans la langue arabe. Étudier le balara, l'éloquence arabe. Ensuite, les poèmes arabes, la poésie, l'utilisation des arabes dans les anciens siècles, comment ils utilisaient les mots, les vocabulaires, etc. dans la langue arabe. Ça, c'est beaucoup de choses à étudier dans la langue arabe. Sans parler de ce que j'ai dit précédemment, nahou, wasarf, la grammaire arabe, la conjugaison, etc. Ces gens n'ont même pas encore commencé à goûter le savoir dans la langue arabe. À plus forte raison ensuite la compréhension du Coran et de la Sunna. Ils veulent remettre en cause les enseignements des gens du savoir et du ilm. Ceux qui ont grandi dans l'ilm. C'est incohérent. Et ben ensuite, donc, ils vont se détourner du ilm. Et donc ensuite, c'est pour cela qu'on tombe et on sombre dans les dérives. Donc lorsqu'on n'a pas de savoir, Shaitan, Iblis, ouvre les portes des dérives. Alors, Cheikh nous dit, ensuite, من صفات أهل السنة والجماعة, il dit, أنهم يقفون عند حدود العلم. Maintenant, Cheikh va nous expliquer parmi les signes des gens de la Sunna et du groupe. Il dit, عند يقفون عند حدود العلم. فما علموه قالوا به. Parmi les signes des gens de la Sunna, il dit, c'est des gens qui connaissent les limites de leur savoir. Ils connaissent leurs limites. Ce qu'ils connaissent, alors, ils l'enseignent, ils le professent, mais ce qu'ils ignorent, alors, ils s'arrêtent. Et ils s'abstiennent de parler dans des domaines qu'ils ignorent et qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, ça fait partie des signes des gens de la Sunna. Il dit, conformément à la parole d'Allah, ولا تقف ما ليس لك به علم. أي لا تتخرص ولا تقول على الله ما لا تعلم. C'est-à-dire, ne dis pas au sujet d'Allah ce que tu ignores et ce que tu ne connais pas. بل قف عند حدك. Mais arrête-toi. Sois connaisseur de tes limites. فما علمته من العلم النافع فتكلم به. Cheikh dit, ce que tu as appris et ce que tu connais de la science bénéfique, alors فتكلم به, alors parle. Mais par contre, وافتي به. وما لم تعلم توقف عند او توقف عنه حتى تتعلمه. Et ce que tu ignores, alors abstiens-toi de parler dans les sujets dont tu ignores jusqu'à ce que tu apprennes ces sujets. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ça c'est la manière et la méthodologie des gens de l'Iman. Des gens de l'Iman. Et il dit, parmi leurs caractéristiques, donc là on est en train de parler des caractéristiques des gens de la Sunna. Parmi leurs caractéristiques, ils disent, ils se suffisent du halal par rapport au haram. Le halal leur suffit. Ce qu'Allah Jalla wa Ala leur a rendu permis illicite, ils se suffisent de cela. Et, par contre, délaissent ce qu'Allah Jalla wa Ala leur a pas rendu licite. Et ce qu'Allah leur a interdit. فَقَالَ مُنْ صِفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَسْتَغْنُونَ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ وَبِالطَّيِّبَاتِ عَنِ الْخَبَائِثِ فِي مَطَاعِمِهِمْ وَمَلَابِسِهِمْ وَمَشَارِبِهِمْ وَمُنَاكِحَتْ فَيَقْتَصِرُونَ عَلَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ وَيَتَجَنَّبُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Regardez, il dit, ils se suffisent du halal, que ce soit dans leurs aliments, dans leurs boissons, dans leurs vêtements, même sujet relatif au mariage, dans tout cela, ils se suffisent du halal, ce qu'Allah Jalla wa Ala leur a rendu licite et permis. Par contre, ils se restreignent à cela. Par contre, ils évitent et ils s'écartent de tout ce qu'Allah Jalla wa Ala leur a interdit. Ça, c'est les caractéristiques de qui ? Des croyants et des gens de la Sunna. Taïb. On continue. Ensuite, Cheikh Fawzan, après avoir fait allusion à ça, et ensuite, il va parler maintenant de ce qu'a dit l'auteur. L'auteur, ensuite, dans sa présentation, il dit à son shir, a'anana Allah wa iyyaka 'ala ri'ayati wa wada'i. L'auteur ici va parler de ce qu'on nomme al-wadi'a wa al-amana. Il va parler de ce dépôt, de cette amana qui nous a été confiée, c'est-à-dire l'adoration du Seigneur, cette amana qu'on refusait, qui était exposé, comme Cheikh va nous expliquer ici, à travers le verset. Allah l'a exposé au ciel, aux terres, aux montagnes, qui ont refusé de prendre l'amana, le dépôt. Ils l'ont refusé. Et qui est-ce qui l'apporte maintenant ? qui le porte, c'est l'insan, l'individu. Alors il dit, wa hamalaha al-insan. Allah dit, wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Adam, et sa jusqu'à sa descendance, hein, les hommes, les êtres humains, ont ce dépôt et ce fardeau. C'est-à-dire, ils doivent ici remplir le devoir qu'il se doit envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan, regardez ce qu'il va nous dire. Il va dire, l'individu, face à ce dépôt, il est de trois catégories. Trois catégories d'individus face à ce dépôt. Al-qism al-awwal, man tahammalaha zahiran wa batinan. Celui qui a pris ce dépôt. Vous avez compris, hein? Parce que là, j'ai résumé hein, les paroles du cheikh pour qu'on puisse avancer. Celui qui a pris ce dépôt et qui le réalise, l'accomplit, il est véridique dans l'application de cela. Alors, il dit la première catégorie, c'est justement ceux qui le prennent, le réalisent d'une manière, ظاهرًا وباطنًا, d'une manière externe ou interne, dans le sens d'une manière extérieure, et que ce soit d'une manière cachée, interne. وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Ce sont les croyants et les croyantes. ظَهِرًا وَبَعْتِنًا. D'une manière externe ou interne. C'est-à-dire, vous avez compris, lorsque je dis d'une manière externe ou interne, c'est-à-dire externe, c'est-à-dire à travers, avec les actions, hein, avec les actions des membres, hein, les actions apparentes, si vous voulez, et interne avec les actions non apparentes, c'est-à-dire les adorations du cœur, comme l'aqida, la croyance, ou les iman, toutes ces adorations du cœur. Donc que ce soit d'une manière interne et d'une manière externe, eh ben, ils réalisent le devoir qui leur est dû. Al-qism al-thani, la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont pris, c'est ceux plutôt, il dit, من أبى تحملها ورفضها ظاهرا وباطنا. C'est ceux qui ont refusé de porter le dépôt. Si on peut le dire de la sorte. Ceux qui ont refusé. Mais que ce soit d'une manière interne ou bien externe. D'une manière, on va dire, apparente ou cachée, plus précisément. D'une manière apparente ou bien cachée. Ils ont refusé de prendre le dépôt. فَهَاُولَا مَنْ هَاُولَا الشِّرْدِي هُمَ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Ce sont les polythéistes et les féminins, les polythéistes, au masculin et au féminin. Associatrices, voilà, les associateurs et les associatrices. Arsent. Walqism al-thalith, et la troisième catégorie, il dit, c'est ceux qui ont porté le dépôt, man tahammalaha zahiran wa dayya'aha batinan. C'est ceux qui ont porté le dépôt d'une manière apparente, mais qui l'ont laissé d'une manière cachée, interne. وَهَدَ شَأْنَ الْمُنَافِقِينَ. Et ça, c'est la catégorie des hypocrites, الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. C'est-à-dire que eux, d'une manière apparente, ils prient, ils jeûnent, ils font les actes d'adoration, mais dans leur fond intérieur, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Taïm. On avance encore. Vous avez vu, hein? Beaucoup de points que rapporte Cheikh Al-Fawzan dans l'explication de, avec mon mot à moi de la présentation. Toujours. Je dis bien mon mot à moi parce que si vous lisez, c'est pas dit présentation. Vous allez vous dire, mais. Donc, c'est moi pour faciliter, j'emploie le terme présentation. Taïb. En s'adressant, le Cheikh à Ibn Abi Zayd, l'auteur, en s'adressant à son Cheikh, alors ensuite il lui dit que cela il le fait. Et il va lui expliquer les causes. Les causes. Donc son shir lui a expliqué la cause pour laquelle il voulait que son élève Ibn Abi Zayd écrive et rédige ce livre. C'était pour l'enseignement. La cause, c'est l'enseignement ici des enfants. Et donc shir ensuite, Al-Fawzan va nous dire. Lorsque shir a choisi Ibn Abi Zayd, comme on l'avait dit, par rapport à son intelligence et par rapport, regardez, il n'a pas choisi n'importe qui pour rédiger ce livre, du fait qu'il était connu et le cheikh lui-même reconnaissait la maîtrise de son élève de ces sciences-là et surtout du madhab al-Maliki. Alors c'est pour cela qu'il lui a demandé de rédiger cela, pour qu'il puisse enseigner cela aux enfants. Enseigner le Coran, en même temps il va leur enseigner al-Aqida, il va leur enseigner al-Fiqh. Et regardez, Cheikh Fawzan fait une portée d'attention sur l'importance d'enseigner donc aux enfants. Pourquoi ? Parce qu'il dit, lorsqu'un enfant on lui enseigne depuis son plus tendre âge, eh ben, ces informations-là, cette science-là, ce savoir-là, eh ben, est gravé. Comme lorsqu'on grave, on fait des gravures sur des pierres. Yantaqish. Différemment que pour les grands. Lorsqu'on apprend, le grand, c'est différent. L'ilm, lorsque la personne est en son plus tendre âge, eh ben, cette science s'apprenne. Et c'est pour cela que, regardez, il dit, regardez comment ils étaient attentifs à l'époque. Vous avez vu, hein? Comment ils étaient attentifs. On est en quel siècle? Par rapport à la lecture du livre, hein? C'est un livre qui a été rédigé en quel siècle? Quatrième siècle. Vous avez vu, hein? Plus de 10 siècles après. Là, plus de 10 siècles, il y a plus de 10 siècles, regardez. C'était ça, leur manière de voir les choses. L'enseignement, l'éducation. Très important. Et Cheikh ici va faire un grand point sur cela. Le fait de enseigner la bonne croyance, le fait de leur enseigner la bonne jurisprudence, la compréhension du livre d'Allah. Il y a une anecdote qui a rapporté une histoire à l'époque de Suleyman al-Armash. L'une des plus grandes références parmi les grands imams, parmi les transmetteurs des hadiths. Transmetteurs de hadiths. Imamun kabir fi ilm al-hadith. Il avait une minutiosité, une rigueur dans la transmission des hadiths. Il transmettait avec une exactitude ajib. Et il faisait partie des élites et des émérites dans ce domaine. Et des grands imams de ce domaine. Je vous passe beaucoup d'anecdotes qui sont rapportées à son sujet, dans sa biographie, longue biographie de al-Armash. Mais un jour, il y a une histoire où il enseignait aux enfants. Il y avait beaucoup d'enfants et lui, il enseignait aux enfants. Un homme passa devant lui et lui dit, « Ya imam, ajib, kef tudayya waqtak ma'a haoula al-sibyan. Comment est-ce que tu perds ton temps avec ces petits ? Anta imam min ahli al-hadith. » Vous voyez, un imam, c'est comme si vous voyez un grand imam de notre époque, il, lui, passe son temps dans l'enseignement des enfants. Enseigner les enfants. Et si vous revenez à l'époque des salafs, il y avait des cercles de hadith où ils enseignaient aux enfants. C'était pas 10 enfants, c'était pas une dizaine d'enfants, c'était des centaines et parfois des milliers d'enfants devant le shir. Et ils enseignaient comme ça, salaf. Al-Muhim, al-Armash, lorsque cet homme est parti, il a dit, hey, imam, tu perds ton temps à enseigner aux enfants comme ça. L'imam lui dit, uskut ya ahmaq. Tais-toi, stupide, homme idiot, traduction littérale, tais-toi. On pourrait dire, espèce de sot et d'idiot. Haoula mustaqbel al-islam. Haoula humul mustaqbel. Ceux-là, ce sont le futur. C'est le futur de la communauté. Comment on peut penser, perdre son temps avec ce qui est le futur de la communauté? Et on peut même voir dans les communautés. Et ça rappelle une histoire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais avancer un peu. Même d'autres communautés. Par exemple, avaient un soin attentif aux enfants. Et il y a une très belle histoire comme ça. C'est un homme qui a rédigé un livre. Il y a plus de 5 siècles de cela. À peu près. Hein. Plus de 5 siècles de 500 ans de cela. C'est un homme qui, quand il était petit, il avait 6 ans, ses parents étaient chrétiens, confession chrétienne, et depuis tout jeune, ils l'ont mis à apprendre, ils l'ont mis dans une sorte de monastère pour qu'il apprenne. Et ils lui rendaient visite que pendant les vacances. Donc ils l'ont laissé. Ils lui rendaient visite que pendant les vacances. Et il est resté longtemps. Jusqu'à l'âge de 12 ans, ils l'ont laissé des années. C'est que pendant les vacances, il avait la visite de ses parents. À l'âge de 12 ans, il dit, là, il s'est mis dans l'apprentissage des livres et des écrits. Dans l'apprentissage des livres et des écrits. Et ça se passe en Espagne, il est dit, en Espagne. En Espagne, et Ensuite, il dit que lorsqu'il a atteint l'âge de 16 ans, il a eu la visite d'un grand moine, l'un des plus grands d'Europe, l'une des grandes références à l'époque en ce qui concerne la communauté chrétienne. Il dit l'un des plus grands moines, parmi les grands archevêques. Alors, il rendit visite, hein, il a fait une visite, justement, et il visita le monastère où était ce jeune. À l'époque, il dit qu'il avait 16 ans. Et lorsqu'il a eu cette visite, ce moine alors, cette grande référence, l'un des plus grands moines d'Europe, alors, il a une portée d'attention sur l'enfant, sur son intelligence, sur son savoir, etc. Et après sa visite, il a demandé que l'enfant soit avec lui et retourne avec lui. Regardez que l'enfant reste avec lui. Ce qu'il fut. C'est-à-dire l'enfant ensuite resta avec lui et partit avec lui. Donc ensuite il apprena de lui. Et lui-même, c'est l'enfant qui écrit ensuite. Plus tard il va faire son livre. Et il dit, je suis devenu comme son ombre. J'étais devenu comme son ombre. Lorsqu'il se réveillait, j'étais le premier devant lui qu'il voyait. Et lorsqu'il dormait, j'étais le dernier qui l'ait vu. Et il était comme son ombre. Et il s'occupait de toutes les affaires de ce moine. Il s'occupait de tout. Et il disait, j'avais accès à tous ses secrets. C'était une élite, justement, cet archevêque ou ce moine. C'était une élite. J'avais accès à ses secrets, j'étais comme son ombre. Il y avait juste une pièce où je n'avais pas les clés, et je n'avais pas accès. C'était les trésors qu'il avait, que les rois lui offraient. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, vous savez, les archevêques, les moines, etc., l'Église avait ici le règne. C'est elle qui régnait. C'est elle qui plaçait les rois. C'est elle qui ôtait le pouvoir au roi. Donc ce moine avait des réunions, justement, avec les rois de l'époque. Et lorsque parfois il avait des réunions, alors ensuite ces rois lui offraient des cadeaux. Et là ensuite, il avait une pièce spéciale, une chambre spéciale où il cacher ses cadeaux. Et lui dit, et c'est la seule pièce que j'avais pas, dont j'avais pas la clé. Sinon, il a dit, il avait accès à tout. Et il dit, jusqu'à l'âge de 26 ans. Et il dit, chaque année, ils avaient des réunions avec les plus grands moines et évêques, si vous voulez, d'Europe, ils avaient des réunions pour parler des choses importantes de la communauté. Ils avaient des réunions. Il dit, un jour, il n'a pas pu assister à la réunion, alors il l'a mandaté pour le remplacer. Il dit donc, celui qui raconte, il dit, il m'a mandaté pour le remplacer, donc je l'ai remplacé dans la réunion. Et là, ils ont discuté de beaucoup de sujets, jusqu'à ce qu'ils ont divergé sur un sujet. Et c'était sur l'explication d'un mot. Il y avait un mot, j'ai oublié comment qu'il était dit, et ils ont divergé sur ce mot. Donc chacun, il parlait en quelque sorte d'un réformateur qui viendra, et il avait un nom, il avait une appellation. Et donc chacun a mis son opinion, mais ils ont divergé sur cela. Lorsqu'ils ont fini la réunion, il a vu le moine, alors il lui dit, alors comment s'est passée la réunion ? Il dit, très bien, mais si seulement t'aurais été là, aujourd'hui il fallait que tu sois là. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce qu'on a divergé sur un mot. Il dit, quel mot ? Sur quel sujet vous avez divergé ? Alors, il lui dit, alors, c'est sur un réformateur, mais certains, on a divergé. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il dit, il y en a un qui a dit que c'était Yahya, ce réformateur qui viendra. Et lui, il dit, non, c'est pas Yahya. Il s'est trompé. Il dit, il y en a un autre qui a dit, c'est Zacharie. Il dit, non, il s'est trompé. Il dit, il y en a d'autres qui ont émis d'autres thèses. Il dit, non, ils se sont trompés. Après, il lui dit, ben toi, dis-moi maintenant. Il lui dit, non. Il lui dit, lorsque tu atteindras mon niveau de science, tu le sauras et tu l'apprendras. Et là, le jeune, il dit, non, je peux pas. Il lui dit, je ne vais pas dire, il lui dit, yachir. C'est comme son chir. Il lui dit, ça fait plus de 10 ans que je suis avec toi. Je ne t'ai jamais posé de questions. je ne t'ai jamais rien demandé, j'ai toujours exécuté. Mais là, je te demande, dis-moi, que veut dire ce mot? Qui est cet homme? Il lui dit, non, non, je ne peux pas te le dire. Il insiste, il dit, mais dis-moi. Il dit, non, non, je ne peux pas te dire, jusqu'à ce qu'il se baisse et lui embrasse les pieds. Il lui embrasse les pieds, mais dis-moi, qui est cet homme? Il dit, non, le fait de savoir cela, cela est plus une nuisance, ça va te nuire que te profiter. Je ne peux pas te dire. Après, là, il se met à pleurer. L'homme se met à pleurer. Il dit, dis-moi. Et il insiste. Il dit, je te le dirai pas. Après, lui dit, après, il a fait un serment, par leur serment à eux, hein, avec du shirk. Il a fait un serment pour qu'il lui dise, c'est qui? Il dit, tu veux savoir? Il dit, je vais te dire, c'est qui? Il lui dit, c'est Mohammed. Et là, le jeune dit, hein? Le prophète des Arabes? Il lui dit, Naam, c'est Mohammed. Il lui dit donc, c'est un vrai prophète? Il est vraiment prophète? Il lui dit, oui. Le jeune dit, je ne comprends pas. Il dit, il est vraiment le prophète? C'est vraiment le prophète? Il lui dit, oui, c'est le prophète. Il dit la vérité, Naam. C'est lui qui est sous-entendu. Il lui dit oui. Il dit, pourquoi tu ne le suis pas? Pourquoi tu ne le suis pas? Il dit, moi, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Il dit, comme le Christ disait, comme il l'appelle, comme le Christ disait, il disait, l'amour de cette dunya est à la tête de tous les péchés, et moi, j'aime la dunya. J'aime cette vie d'ici-bas. Il lui dit, si demain, je délaisse mon message, et j'embrasse cette religion, qu'est-ce que je vais devenir? Aujourd'hui, il a tous les trésors. Il a une notoriété. C'est l'une des plus grandes élites. Pas seulement dans son pays, mais dans le continent. C'est l'une des plus grandes élites. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais passer ma journée dans une mosquée, personne ne va connaître ma valeur. Et le jeune dit, mais la vérité est plus grande que cela. Il dit, oui. Mais moi, il lui dit, j'aime cette vie d'ici-bas. Alors il lui dit, ensuite, maintenant que tu as su, il lui dit, Shir, maintenant que tu as su, il lui dit, tu ne dois révéler cela à personne. Alors, il prend un engagement avec lui, ne révèle cela à personne. De toute manière, il dit, si tu révèles cela, je te démentirai, je dirai que tu es un kadhab, un menteur, et les gens vont croire en ma véracité. Je dirais que tu es un menteur. Alors il a fait un serment avec lui de ne pas le dire. Par contre, il dit, après ma mort, dis et dévoile ce que tu veux. Mais après ma mort. Alors ensuite, il lui dit, où est-ce que je peux aller rencontrer ces gens? Il lui dit, va à la terre actuelle, allez maintenant, vers la Tunisie, où on a des amis, il y avait des gens de leur communauté. Leur communauté. Et donc lui est parti là-bas, vers ces gens de leur communauté. Il leur a demandé, où est-ce que je peux rencontrer les grands théologiens musulmans? Je voudrais débattre avec eux. Alors là-bas, ils l'ont orienté vers les grands théologiens musulmans pour qu'ils débattent avec eux. Et lorsqu'il est arrivé devant les grands théologiens musulmans à l'époque qu'il y avait en Tunisie, alors il leur a dit, j'embrasse votre religion et la shahad, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Il leur a fait un livre. Il en a fait un livre. Et lui-même, il parle de cela dans son introduction. Il parle de lui, fi al-muqaddima. Al-muqaddima. Fadal, cher. Barakallahu fik. Smahli, hein, cher. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد والصلاة والفضل. Donc pour terminer inchallah. Donc ici Cheikh nous enseigne, ensuite il va nous enseigner, on prendra cela plus en détail inchallah dans le cours de demain inchallah, où il va enseigner ensuite la méthodologie, et ça va être très pertinent et bénéfique. Il va enseigner la méthodologie pour apprendre l'ilm, l'ilm mubtadi'in, shir. Comment accéder au ilm lorsqu'on est débutant? Quelle est donc la manière? Pourquoi? Parce qu'il va enseigner cela, puisque ici, Ibn Abi Zayd va parler ici de son travail pour que cela soit enseigné aux enfants. Donc, shir ici va parler de la méthodologie, comment enseigner aux enfants, et il va parler aussi des débutants, comment enseigner aux enfants. Et jusqu'à un moment où il dit, et on prendra cela plus en détail dans le cours demain, ça là nous le permet, jusqu'à un moment où il dit, à la page 24, pour ceux qui ont le livre devant eux, « Aoula ma ya'maluhu al-nasihun wal-mu'allimun wal-du'at ilallah an ya'tanu bi-shabab al-muslimin wa yuwajjihuhum al-wajhat al-salima » ويبعدوا عنهم المشاحنات والحزبيات ومدح فلان وذم فلان فيبعدون عنهم هذه الأمور التي شغلت أكثر الشباب اليوم. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il est une obligation pour que ceux qui sont des conseillers, pour ceux qui sont des enseignants, pour ceux qui sont des prêcheurs, des prédicateurs, il est une obligation pour eux, il dit la première chose, d'être attentif et de prendre soin des jeunes. Al-Shabab. Al-Wasiyya al-Shabab. D'être bon avec les jeunes. De prodiguer le bon conseil envers les jeunes. Regardez ce qu'il va dire. Et de les éloigner de toute forme de discorde. De toute forme de dispute. Regardez ce qu'il va dire Shir. Et de les éloigner de toutes ces fausses disputes liées au partisanat, à la hizbiyat, l'éloge d'un tel ou la critique d'un tel, de les éloigner de ce qui a préoccupé la majorité des jeunes à l'heure actuelle. Ça, c'est Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qui le dit. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, les jeunes viennent apprendre la science, et c'est « Mada taqul fi fulan ?»« Wa hal anta min talamith fulan ?»« Hada shughluhum al-an ?» Alors, ils viennent apprendre, ils disent « Qu'est-ce que tu penses d'un tel ? Qu'est-ce que tu penses d'un tel ?» C'est leur seule préoccupation. Ils viennent apprendre la science et leur préoccupation c'est quelle est la situation d'un tel, qui est un tel, Foulan, Rallan, l'akhiri. Faqal, et il est l'étudiant de qui? Wada shurluhum, hada la yasluh ya ibad Allah. Il dit ça ne convient pas aux serviteurs d'Allah. Fayajib an yukhlis al mu'allimuna fi ta'limi tullabihim, wa yub'iduhum an hadhihi al mushahanat wal fitan wal ikhtilafat. Il dit, les enseignants doivent éloigner les shabab, les préserver, les écarter de toute forme de discorde, de divergence, de khilaf, et de, il va bien l'expliquer dans notre méthodologie d'enseignement qu'on verra demain. Il dit, il faut rester sur la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Wahakada. Il dit, ne pas faire tomber les gens dans al-fitna. Dans al-fitna. Alors il dit, fatajid hammahum. Tu vas trouver que leur plus grande préoccupation, leur plus grand centre d'intérêt, si on peut le dire, hammahum, hein, leur plus grand souci, tajid hammahum, il dit, regardez ce qu'il dit. Mada taqul fi fulan? Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Wa mada taqul wahadhar min fulan? Prends garde d'un tel. La tajlis ma'a fulan? Ne t'assis pas avec un tel. Il est akhiri. Chien ne veut pas dire que ça n'existe pas. Qu'il faut, bien sûr, il faut faire attention de qui on prend notre science. C'était la parole du grand imam Ibn Sirin, il disait, إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذوا دينكم. Certes, cette religion, ce savoir est une religion. Prenez garde de qui vous prenez votre religion. Bilashak wala raib. Bilashak wala raib. Lakin, une personne qui vient apprendre la science, qui est chez des savants, pourquoi il va perdre son temps à chercher dans la vie d'un tel, à chercher chez un tel, et parfois ils savent pertinemment que leurs frères, alhamdoulillah, ils suivent la sunna du messager d'Allah. Pourquoi s'intéresser à des choses qui ne sont point profitables pour elles? Ils sont dans une période où il faut apprendre la science bénéfique. Donc apprendre le bon comportement et s'intéresser à ce qui nous est bénéfique et important. Alors il dit, alors il va délaisser ensuite ce ilm-là. C'est pour ça qu'il dit, l'important c'est « Yusal al-khir ila qulubi awlad al-mu'minin ». Il dit, il faut faire parvenir le bien vers le cœur des jeunes croyants. Et il dit, « Wa hakada yajib an yakuna al-mu'allim al-da'iya ila Allah yakun qasdu isal al-khir ila qulub al-mu'minin ». Il dit, comme cela, celui qui prêche et qui appelle à Allah, son but c'est de faire parvenir le bien, que cela atteigne les cœurs des croyants. Hada huwa al-qasd wa al-hadaf. وأبناء المسلمين ولا يشغلهم بالخلافات مما هو منتشر اليوم في شباب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Est-ce qu'il dit? Et il dit, il ne doit pas préoccuper ces jeunes avec ces divergences, ces khilafats, ces discordes-là. Il ne doit pas les préoccuper avec cela, mais leur enseigner le bien. Et il dit, فَيَجِبُ الْإِهْتِمَامِ بِأَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ الصِّغَارِ. Donc il dit, il faut accorder une grande attention envers les enfants, les petits croyants, et leur apprendre le bien, et les préserver de toutes ces divergences et autres, leur faire parvenir le bien. Il dit, بِأَنْ يُوَجِّهُوا الْوَجْهَةَ السَّلِيمَ الْوَجْهَةُ الْوَاحِدَ وَجْهَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ. Il dit leur enseigner هذه الوجهة, et cela selon la saine compréhension du livre d'Allah, de la sunna du messager d'Allah, selon la compréhension de nos ancêtres, de nos pieux prédécesseurs, de nos pieux prédécesseurs. Ça ne veut pas dire ensuite que ça n'existe pas, bien sûr. Il faut aussi mettre en garde الشباب contre les dérives. Ça, il faut, ça fait partie de la religion. Lakin, que une personne qui commence à étudier, à apprendre la science bénéfique, exagère dans cela, et ça devient tout son centre d'intérêt, ce n'est pas la méthodologie de nos savants, contemporains ou bien anciens. Wallahu a'lam, fahadi nasihatu al-imam al-allama, wa ta'alim al-imam al-allama, Sheikh al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala, et on continuera demain, inshallah.